chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini. On vous offre le F-150 neuf à 0% jusqu'à 72 mois sur les modèles sélectionnés. De plus, obtenez plus de 5 000 $ en valeur totale, incluant 2 500 $ en allocation et livraison. Les membres Costco admissibles reçoivent aussi un rabais de 1 000 $. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. Là où l'expérience est inégalée, toute notre équipe vous invite à visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Multi-concessionnaire. Ça n'a pas sorti à nulle part, sauf à Québec, et je vais donner le crédit à l'équipe de Dominique Morin. Il y a beaucoup de biographies qui sortent actuellement au Québec. On a sur Étienne Boulay, il y en a une qui sort sur Philippe Allou cette semaine. Il y a d'autres personnages, que ce soit politiques ou artistes ou sportifs. Et il y en a une qui a fait parler la semaine passée, seulement à Québec, parce que partout au Québec, c'est pas sorti. C'est celle de Hugo Girard. Hugo Girard, qu'on a bien connu ici à Dolbeau-Mistassini, puisqu'il a commencé vraiment sa carrière ici à Dolbeau-Mistassini, à l'époque de l'homme fort Molson. Hugo Girard a écrit un livre, son autobiographie, qui s'appelle L'Iceberg, où il mentionne qu'il a été l'homme le plus fort du monde. Or, ce qu'on a appris sous l'historien Paul Hall, historien du monde du sport, c'est que dans cette biographie, il y a plusieurs choses qui sont inexactes. On en parle avec l'historien du monde du sport et écrivain également, Paul Hall. Bon matin, Paul. Paul, évidemment, moi je l'ai pris la semaine passée à l'équipe de Dominique Morin, ça n'a pas été sorti à nulle part autre qu'ailleurs, et je trouve ça un petit peu surpris, c'est que Hugo Girard, l'homme fort que tout le monde connaît, qui a commencé ici même à Dolbeau-Mistassini, qui s'est mis sur la carte ici même, dans son autobiographie. À noter. Et pour cause, d'abord parce que j'ai passé presque 8 ans avec Hugo Girard à divers titres, dont celui de conseiller, j'ai été accompagnateur, j'ai été entraîneur suppléant, j'ai été motivateur, donc j'ai été avec lui d'ailleurs année 2002, dont il réclame le titre de l'homme le plus fort du monde, compétition qui s'est tenue à Kuala Lumpur en Malaisie, et Hugo Girard s'est classé 6e ex aequo, l'autre qui avait le même nombre de points que lui, c'était un dénommé Jussa Matti Rasanen de Finlande. Les deux hommes ont cumulé 38,5 points sur 7 épreuves, alors que le gagnant, c'est celui que le monde connaît, le Polonais Mariusz Pudzianowski, qui a remporté cette année-là le titre avec 58 points sur les 70 possibles. Titre qu'il a remporté à 4 autres reprises. Il est le seul qui a gagné ce titre à 5 reprises. Donc, c'est ça, malheureusement, la situation. Maintenant que ça est passé chez Dominique Morin, il y a eu une grande vigilance de la part de l'équipe de choix. Oui. Parce qu'à un moment donné, je reçois ce téléphone et à ma grande surprise, bon, on m'informe de la chose. Je me suis procuré le livre, je l'ai lu et ce qui est apparu. Les faits sont là. C'est une responsabilité partagée entre l'auteur et l'éditeur, soit dit en passant. L'éditeur a une responsabilité, c'est celle de faire réviser, c'est-à-dire le livre de A à Z, normalement. Quand ça s'est fait, l'auteur reçoit ce qu'on appelle dans le milieu de la littérature les bleus qu'il doit relire, et normalement, si tout est fait dans les formes, normalement, il devrait initialer chacune des pages des épreuves avant que tout ça aille à l'impression. Alors, c'est pas parce que la chose n'a pas été probablement faite, c'est que simplement, on a maintenu ce qui est écrit là, tout simplement, et on s'est dit, écoutez, là j'anticipe, on s'est probablement dit, bon, le dire comme ça ou le dire autrement, ça va passer. De toute façon, ce sont des événements qui se sont déroulés il y a 16 ans. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche dans l'histoire. L'histoire est faite de gens qui ont la responsabilité également d'éclairer la population sur des choses qui se passent, peu importe dans quel domaine, que ce soit la politique ou le sport ou le domaine proprement culturel. Allez, les gens, j'en ai parlé, parce que c'est mercredi, j'avais passé à Dominique Morin, les gens, j'en ai parlé par la suite, puis les gens ont dit, ah, c'est pas grave. Dans les faits, oui, c'est grave, parce que, me dire, comme Dominique Morin disait, si on dit en 1998, exemple, que Pedro Martinez a gagné Cy Young, puis c'est pas vrai, ça donne quoi? C'est exact. Alors, le fait que les gens disent, ah, c'est pas grave, ça, c'est une réponse qui est dictée par l'émotion. Ouais. Dire carrément, en mettant les choses entre guillemets, « Ah, le monde aime Hugo Girard. » J'ai rien à dire contre ouais. Personnellement, que les gens aiment ou n'aiment pas une personne, c'est du domaine des émotions, et c'est quelque chose qui est absolument subjectif. Maintenant, qu'il y ait que des gens fassent de la récupération ou de l'auto-appropriation de quelque chose qui n'est pas exact au vu de l'histoire, ça me concerne. Et lorsque la chose se présente, mais moi, j'apporte la correction nécessaire. Maintenant, quand vous dites que ce n'est qu'à Québec, c'est pas mal plus vaste qu'à Québec que la chose a été entendue, parce que je pense, si je ne me trompe pas, Choix quand même... Oui, mais moi, je l'ai entendu à Choix, exactement. Là. L'ouverture de son réseau. Oui. N'oubliez jamais, Dany, n'oubliez jamais les réseaux sociaux. Oui. C'est-à-dire que dans les réseaux sociaux, ça a drôlement circulé. En passant... C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est pas de battre un record, de faire circuler une information par les diverses plateformes qui sont à notre portée, que ce soit Facebook, Twitter ou quoi que ce soit. C'est pas là la chose. La chose est que cette information-là, elle est inexacte. Mm. Et probablement que l'inexactitude vient du fait qu'on ait maintenu la chose. Madame Sarfati, celle qui a recueilli les propos, parce que c'est elle qui a véritablement écrit le livre, est une journaliste chevronnée de la presse qui fait carrière dans le domaine culturel. Qui plus est, c'est une romancière en littérature jeunesse. Ouais. Qui écrit très bien. C'est quelqu'un qui connaît le tabac, comme on dit de façon courante. Et c'est quelqu'un, par contre, qui ne connaît pas du tout le milieu de la force et le milieu des... Ben non, il n'y a personne qui connaît la force. Soyons honnêtes, il n'y a personne. Puis probablement que Hugo pensait que ça allait passer comme dans du beurre. Ouais. À donner cette opinion-là. Moi, ouais. J'ai constaté les faits. Ouais. Alors, Mme Sarfati, elle a écrit ce qui lui a été dicté. Elle l'a repris à charge de celui qui a dicté, c'est-à-dire celui qui est concerné dans le livre, à savoir Hugo Girard, et son éditeur, de faire les révisions qui s'imposent pour arriver à informer correctement le public. Dans le livre, il n'y a pas seulement ça, il y a des statistiques également, des records en hommes, des chiffres. Le monde du sport, comme je dis souvent à des gens, comme quand on met des émotions à part. Je prends pour le Canadien, non, je prends pour Boston, meilleur, non. Comment on peut trancher ça? Le Canadien a remporté tant de Coupes Stanley, la dernière, il l'a remporté en 1900, je pense, et, je sais pas, au moins 95. Ouais. Bon, un tel est meilleur qu'un tel. Ah oui, comment on fait pour arriver à déterminer la chose? Dans ce domaine-là, comme dans d'autres, lorsqu'il s'agit d'un sport individuel, c'est pas compliqué. Il y a trois données, OK? Il y a la charge, il y a la vitesse, il y a le déplacement, c'est-à-dire donc les distances, et il y a le chrono, c'est-à-dire plus vite ou moins vite que l'autre. À partir de ces trois choses-là, on peut déterminer un gagnant d'une compétition. C'est vraiment pas plus complexe que ça. Alors, qu'est-ce que ça sert de mettre 10 minutes de plus ici, 2 secondes de moins là? Nous, on sait, les historiens notamment, qui ont suivi ces choses-là, moi, non seulement je m'occupe de ce domaine-là, depuis maintenant 1987 que je m'intéresse au secteur du strongman, parce que c'est un phénomène planétaire, oublié. Ben oui. À une époque, les épreuves du World Strongman étaient dans près de 90 pays, et il y avait en moyenne, à une fois que tous les réseaux ont passé en boucle les compétitions, quelque chose comme 500 millions de personnes qui suivaient ça sur la planète. Donc, le tableau que j'ai retrouvé dans le livre, en page 7, 8, 9, ce tableau-là contient au moins 9 inexactitudes. On dit que 25 mètres, c'est 100 pieds. C'est pas vrai. 25 mètres, c'est 81 pieds et 6 pouces. Pas compliqué. Juste à prendre des tables de conversion. On dit que il a levé une telle charge. Non, c'était pas ça la charge. C'était pas le nombre de répétitions qui sont affichées dans les livres. C'est moins que ça. Alors, je ne comprends pas pourquoi une telle chose a été faite et surtout pourquoi ça n'a pas été révisé. Par contre, si tu vas vérifier sur Wikipédia, ouais. Et tu retrouves ces chiffres-là sur Wikipédia. Bien, Wikipédia, on sait bien que demain matin, vous comme moi, on peut publier un truc nous concernant et ne pas mettre les bonnes références, tout simplement. Et ça, on va afficher ça sur Wikipédia et dans 10 ans, il y a 10 ou 12 personnes qui vont avoir repiqué ça et qui vont véhiculer les mêmes erreurs de ouais. façon, etc. On est dans une époque du fake news actuellement. Ah oh, ouais. OK, là. Et tout le monde est très frileux. Et je t'avoue que par rapport à ça, vraiment, dans le domaine du sport, moi, je suis très frileux. Ben, c'est clair. À quoi ça sert les records si on les désinforme? Exactement. Tu sais, c'est exactement ça. Donc, les gens qui disent que... Mais je me demande pourquoi quelqu'un fait ça. Parce que les gens aiment Hugo Girard pour l'ensemble de l'œuvre. C'est pas nécessairement parce qu'il était champion du monde de la force. Je connais très bien la carrière de Hugo Girard. Je connais très, très bien. Je l'ai accompagné dans diverses événements. J'ai même collaboré avec lui lorsque c'est venu le temps de monter le championnat canadien de 2003 à Saint-Jean-de-Mata. C'est moi qui ai été le démarcheur. C'est moi qui ai pris entente avec les autorités politiques de Saint-Jean-de-Mata. Ouais. Cet événement-là soit un succès. J'ai été à l'origine de l'Ordre du Mérite de Louis-Cyr qui a été créé cette même année. Et devinez qui a été le premier récipiendaire. Je n'ai même pas besoin de nommer les noms. Ouais. J'ai été celui qui a ouvert les portes des médias nationaux à M. Hugo Girard. Ouais. Je nomme La Presse, je nomme Le Soleil, je nomme la revue L'Actualité. C'est moi qui ai obtenu des entrevues à Radio-Canada, à Télé-Québec, pour faire non seulement de Hugo Girard, mais également de la visibilité à la discipline. Aux épreuves de force. Ouais. Au nom de quoi? Au nom de la mémoire de Louis. Alors que demain matin, en 2002, quand je suis allé à Kuala Lumpur avec Hugo Girard, en Malaisie, c'est à mes frais que j'y suis allé. Marc Lauzon, qui est un des grands bienfaiteurs de M. Hugo Girard, est celui qui a fabriqué tous les équipements d'entraînement de M. Girard dans les années, à la fin des années 90, au début des années 2000. Il n'y a pas une personne qui est nommée dans le livre. Ouais. M. Girard est le fruit d'une génération spontanée. Comme si le bon Dieu a pris une graine, l'a plantée, puis elle a poussé, puis ça a marqué dessus. Je suis un tel. Non, c'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Non. Mais cela dit, je connais la carrière professionnelle d'homme fort de M. Girard jusqu'au jour de sa retraite. C'est-à-dire lors des championnats canadiens qui ont eu sur le terrain de la commission de l'exposition provinciale de Québec, à l'époque à côté du Colisée de Québec, ouais. En 2008. C'est ce jour-là qu'il a d'ailleurs annoncé sa retraite. Il n'a pas été capable de compléter le championnat et en 2008, il a pris sa retraite. Donc pendant toutes ces années, sauf pour les années 2001, 2000 et 1999, j'ai été avec M. Girard, même l'accompagné durant cette blessure. Donc, je sais exactement ses vues sur le domaine des épreuves de force. Je sais ce qu'il en a pensé, je sais ce qu'il en a retiré et je sais ce qu'il a regretté de ne pas avoir remporté. Et je peux vous dire une chose, confidence pour confidence, à moi, il m'a dit que c'était son plus grand regret de n'avoir jamais remporté le titre de l'homme le plus fort du monde. Fait qu'un instant, là, on va se parler, comprends-tu, entre deux yeux, puis dire les choses comme elles sont. Effectivement. C'est décevant un petit peu. J'ai essayé de la semaine passée de parler, puisque c'est une vague actuellement d'autobiographie. Donc, j'ai essayé de parler avec Hugo. J'ai pas été capable de le rejoindre. Je vais réessayer cette semaine. Fait que, c'est tout ça dommage. En tout cas, ce qui sort publiquement, parce que quelque part, moi, je jette des biographies, puisque ce qu'on pense tout, c'est d'avoir la bonne information. Titre de Overall Champion qu'on pourrait traduire en français par champion du monde, des super séries de la IFSA. Qui était l'épreuve de qualification, soit dit en passant, pour le World Strongest Man, c'est ça? C'est la International Federation of Strength, ouais. Qui est une fédération qui a été créée à partir de 1995 et qui a pris fin à la fin 2007, si je ne me trompe pas. Or, cette fédération, elle a utilisé plusieurs modèles et plusieurs noms pour désigner les mêmes championnats. À un moment donné, le championnat en question à Hawaï, en le 18... Ouais. Ah, toi. Ouais. Tout ça, en tout cas, ça clôt pas mal le débat. Je ne sais pas si on va lui parler cette semaine, mais en tout cas, c'est sûr que je vais lui poser la question. Fait que... Effectivement. Paul, gros merci. On va s'en reparler dans le temps des fêtes pour le bilan des Jeux Olympiques, si vous le permettez, de Pyeongchang. Ah, ben oui. Parce que ça, je fais toujours le bilan de l'année, fait que je vais vous recontacter à ce moment-là. Excellent. Voilà, Paul, l'historien du monde du sport. Merci.